Chapitre 6e, l'école. Le bureau était une très belle pièce un peu à l'écart. Du Tilleul apprécia immédiatement l'ordre qui régnait. Le téléphone était encore un appareil à cadran. La chose le fit sourire. Trouver l'école où étaient scolarisés les enfants plantiers ne fut pas long, et il décida de s'y rendre immédiatement. Elle n'était qu'à une quinzaine de kilomètres de l'auberge, et il était 3h05. Rentré dans l'établissement grâce à sa carte de service, ne posa pas de problème, et M. Lelièvre ne fit aucune manière pour le recevoir. C'était un petit homme d'une soixantaine d'années, tout en rondeur. Il lui rappela un peu Michonnier. Il aima immédiatement son contact franc et direct. « Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de la visite d'un monsieur de Paris ? Je n'ai pas, il me semble, d'enfant scolarisé au nom de Du Tilleul, même si c'est un nom assez commun. Un neveu, peut-être ? Non, non, rien de tout cela. Je viens faire appel à vos souvenirs. Intéressant. Encore que je ne vois pas bien comment vous aider. C'est curieux, votre nom me dit quelque chose. Peu importe, je voudrais vous parler des enfants plantiers. Ça ne date pas d'hier. Peut-être avez-vous besoin de vous rafraîchir la mémoire. En ce qui concerne les enfants plantiers, certainement pas. Comment oublier une affaire pareille ? Loïc et Sandrine Plantier, de beaux enfants, très beaux même. Ils ne posaient pas de problème, même si j'avais remarqué qu'ils ne se mêlaient jamais aux autres. Loïc, l'aîné, était vraiment très attaché à sa sœur. Pour ma part, j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi. Elle savait très bien se défendre toute seule. Vous dites qu'ils étaient beaux. Oui. Pourtant, j'ai vu quantité d'enfants dans ma carrière, mais eux sortaient du lot. D'abord parce que, pour leur âge, ils étaient grands. C'est peut-être curieux ce que je vais vous dire, mais ils faisaient plus matures. C'est pour ça que j'ai été extrêmement surpris d'apprendre qu'ils n'aient pas donné l'alerte. Ils en étaient tout à fait capables. Ils travaillaient bien. Je peux ressortir leur carnet, mais il me semble que les résultats, eux, n'avaient rien d'extraordinaire. Ils auraient pu bien mieux faire. Ils étaient très intelligents. On ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sentiment étrange vis-à-vis d'eux. C'est comme s'ils vivaient dans un monde à part. En fait, si vous voulez en apprendre davantage, vous devriez interroger Madame Lerouge. C'est elle qui leur faisait la classe l'année précédente. C'était une très bonne maîtresse. Elle a une très bonne mémoire et vit toujours dans la région. Je dois avoir son adresse. Elle est en maison de retraite maintenant, mais rassurez-vous, le mois dernier, elle avait encore toute sa tête. Je vous remercie, je vais passer la voir. Elle sera heureuse, elle adore les visites. Si en plus vous vous munissez d'un ou deux mochas au café, je n'y manquerai pas. Pour votre part, que pensiez-vous d'eux ? Très honnêtement, je ne sais pas. Pourriez-vous me ressortir les cahiers ? Je suis dans la région pour 2 ou 3 jours. Je suis descendu à l'auberge de la Vieille Fontaine, et s'il était possible de les consulter. C'est effectivement une très bonne adresse. J'aime y dîner de temps à autre. Quant aux cahiers, c'est entendu, je vous les ferai porter demain. Toutefois, ne vous attendez pas à découvrir grand-chose. J'entends souvent cela. Mais vous seriez surpris de ce que parfois on peut trouver. Pardonnez ma franchise, mais que comptez-vous dénicher, surtout après toutes ces années ? Pour être tout à fait franc, je n'en ai absolument aucune idée. C'était vraiment une bien sale affaire, si triste, presque idiote. Je suis bien d'accord avec vous. Bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir accordé un peu de votre temps. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Bonne chance. Du Tilleul visita Madame Lerouge le lendemain matin en début de matinée. Il fut introduit dans un joli petit salon où un feu crépitait joyeusement. Madame Lerouge l'attendait debout près d'une bergère recouverte de velours rouge cerise. Malgré les années et sa peau parcheminée, elle se tenait encore très droite et ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Sans être une beauté, elle avait dû avoir une certaine allure dans sa jeunesse. Il émanait encore de toute sa personne une autorité bienveillante, et pour un peu, Du Tilleul se serait retrouvé sur les bancs de l'école. Elle l'accueillit très courtoisement et s'enquit rapidement du motif de sa visite. Comme l'avait pressenti M. Lelièvre, elle s'extasia devant les deux mochas bien frais. Elle l'invita alors aimablement à s'asseoir et Du Tilleul put débuter l'entretien même s'il renonça d'entrée à sortir son carnet. Si je me souviens encore des enfants plantiers, naturellement, comment les oublier ? Même sans ce qui est arrivé, je m'en serais souvenu. Loïc et Sandrine. Je les ai eus l'un après l'autre. Loïc d'abord, Sandrine ensuite. tous deux le même genre d'enfant, intelligent mais, pardonnez-moi l'expression, déjà complètement blasé. Loïc et Sandrine ne faisaient pas grand-chose, ils se maintenaient sans effort à la moyenne. Étaient-ils attachants? Attachants, non. Ils étaient trop réservés pour être attachants. Ils ne recherchaient pas le contact. Une maîtresse remplaçante a même dit qu'elle les trouvait bien trop calmes. Madame Le Rouge, vous vous souvenez de l'affaire Pradier? Bien sûr. C'était un tel choc par ici. J'ai toujours pensé que notre petite école n'avait plus jamais été la même après cela. Y a-t-il eu des rumeurs? Non, pas vraiment. Les Plantiers étaient des gens très bien, vous savez. Ils ne prêtaient pas au commérage, ils étaient discrets. Savez-vous si les enfants ont été interrogés? Sans doute, mais pas à l'école. C'était une affaire totalement extérieure, et nous nous sommes employés, du moins tant que les enfants étaient présents, à ce qu'elle ne pénètre pas l'enceinte de notre établissement. Bien sûr, vous l'imaginez bien, nous avons eu fort à faire. Nous avons dû sévèrement chapitrer toutes les maîtresses, surtout les jeunes. Plus particulièrement la remplaçante, Mademoiselle Goulard. Pourquoi plus particulièrement Mademoiselle Goulard? Parce que... Pourquoi vous le cachez? Elle avait pris Loïc en grippe. Je n'ai jamais compris pourquoi. Nous avons dû lui interdire de parler aux journalistes. Heureusement qu'elle était en tout début de carrière. Savez-vous ce qu'elle est devenue? J'avoue que non, elle n'était pas d'ici. Elle venait, si je me souviens bien, de la région parisienne. Elle n'est pas restée plus de 2 ans. Dutilleul sentit alors comme une réticence. Heureusement, Madame Le Rouge n'en poursuivit pas moins. Je dois dire que, comme remplaçante, elle était plutôt bien. Elle faisait vraiment travailler les enfants, ce qui était rare, surtout avec son peu d'expérience. Elle savait vraiment tenir sa classe. Elle était douce et ferme quand il le fallait. Elle avait la charge de Loïc à cette époque. Je me souviens d'ailleurs qu'elle m'a fait une remarque que j'ai trouvée très déplacée. Elle regardait tranquillement Loïc et Sandrine jouer dans la cour de l'école quand elle m'a dit tout à coup qu'ils auraient bien besoin d'aller voir un psychologue. Ce serait banal aujourd'hui, mais à l'époque... Je peux vous avouer maintenant que j'en étais profondément choqué. C'est comme si elle les avait traités de fous, et honnêtement, ils ne le méritaient pas. Certains enfants aiment se tenir à l'écart, ce n'est pas pour autant qu'ils ont des problèmes, et heureusement. Vous souvenez-vous quand cela s'est produit? Avant ou après l'accident? Avant, bien avant. En fait, cela ne faisait pas un mois qu'elle avait rejoint notre équipe pédagogique. Laissez-moi réfléchir. Madame Bergeron a dû tomber malade en janvier. Oui, c'est cela, fin janvier. Mademoiselle Goulard est arrivée la seconde semaine de février. Les enfants ont-ils été suivis après l'accident? Oui. Il me semble effectivement qu'un pédopsychiatre a été nommé, mais je ne sais pas s'il a vu les enfants. Savez-vous si son nom n'était pas Vauquier? C'est possible, mais franchement, je ne saurais l'affirmer. De toute façon, il n'a pas dû les voir souvent, puisque les Plantiers ont déménagé au début de l'année suivante. Je crois me souvenir que c'était fin février. Vous a-t-on transmis les coordonnées de la nouvelle école? Non, ça n'a jamais été fait. Monsieur Lelièvre doit toujours voir les carnets de notes. C'est plutôt inhabituel. Pas s'ils ont été mis en établissement privé. Oui, c'est ce qui a dû se passer. Ce n'aurait pas été vivable autrement. Eh bien, il me reste à vous remercier, Madame Le Rouge. Ce fut un plaisir. De plus, le mocha était très bon. Vous ne mangez pas le second? Oh non, dit la vieille dame avec un air espiègle. Je le garde pour plus tard. Après son entrevue avec Madame Le Rouge, Dutilleul se rendit dans la périphérie d'Honfleur. C'est là que vivait Madame Jocelyne Pradier. Il n'avait pas été long à trouver ses coordonnées, et il n'eut pas plus de difficulté à trouver le petit HLM assez coquet. Madame Pradier habitait au second étage et lui ouvrit à la seconde sonnerie. C'était une petite femme d'une petite 60aine d'années. Elle dégageait une très grande dignité, même si la souffrance était encore perceptible. Il entra dans un appartement clair, très bien entretenu. Elle le reçut dans la salle à manger. Une très belle photo de celle qu'il savait être Mathilde trônait en bonne place sur le buffet. À sa vue, le cœur de Dutilleul se serra. Elle était vraiment très belle. Plus belle encore que sur le cliché qu'il avait trouvé dans le dossier. De longs cheveux bouclés, de très beaux yeux verts. À ce qu'il pouvait juger, elle était grande. Elle portait, le jour de la photo, un chemisier blanc, une jupe écossaise rouge et un gilet bleu marine. Les cheveux étaient sagement ramenés en arrière. Autour d'elle, son père, sa mère et ses 2 frères. la parfaite image de la famille unie. Madame Pradier détourna la tête. Dutilleul se rappelait que le mari était mort également. « Que puis-je pour vous ?» lui demanda-t-elle d'une voix légèrement anxieuse. « Madame, je vous prie d'excuser par avance de vous questionner encore. Ce n'est pas grave. Au moins quelqu'un ne l'oublie pas. C'est réconfortant. » M. Morand venait me voir de temps à autre, même s'il n'avait pas d'éléments nouveaux. Il m'a passé le témoin, en quelque sorte. Il a pris sa retraite. « Oui, il a eu la délicatesse de me le dire. Il n'y était pas obligé. Vous reprenez l'enquête ? Je ne sais pas encore. » J'ai toujours su que M. Morand avait son sentiment sur cette enquête, même s'il ne m'en a jamais fait part. Au fil du temps, j'ai fini par comprendre qu'il avait de sérieux doutes, même s'il ne me l'a pas dit aussi clairement. Comme on n'a jamais rien retrouvé de nouveau, il n'a pas voulu me donner d'espoir inutile. C'est souvent ça, avec les accidents. Mathilde, vous avez fait part de quelque chose ? Non, je ne l'ai même pas vu partir ce jour-là. Vous comprenez, j'étais légèrement enrhumé, et je me suis juste levé un petit peu plus tard. La veille, elle était exactement comme d'habitude. Vous savez, elle ne nous disait jamais rien, pour ne pas nous inquiéter. Avait-elle des amis ? Oui, elle était très aimée. De là à dire qui était proche d'elle, c'est plus difficile. Peut-être Caroline Girard ? Oui, elle s'entendait bien. Toutes deux voulaient être puéricultrices. Caroline a quitté la région à présent. Mais je pourrais peut-être vous retrouver son adresse ? Car elle n'oublie jamais de m'envoyer un petit mot à Noël. Est-elle devenue puéricultrice ? Non, je crois que les études l'ont découragée. Elle avait moins de facilité que Mathilde. Je crois qu'elle est devenue aide-soignante. Je serais reconnaissant si vous pouviez effectivement me communiquer son adresse. Je chercherai ce soir. Autre chose, avez-vous gardé des contacts avec les Plantiers ? Vous rigolez ? Ils ne m'ont jamais contacté. Pas même un petit mot d'excuse. C'est peut-être cela que j'ai trouvé le plus insupportable. Pourtant, ils passaient pour des gens très bien. Sans doute le traumatisme. Parce que vous pensez que cela ne nous a rien fait ? Mon mari en est mort, 10 ans plus tard. Il n'a cessé de se reprocher jusqu'à la fin de ses jours de l'avoir autorisé à travailler.